Chapitre 4. Mais un événement survint qui changea brusquement pour moi le cours des choses. On avait fini la moisson. On en était à ce temps de répit qu'il y a entre la moisson et les regains, c'est-à-dire qu'on venait d'entrer dans le mois d'août. À ce moment, le bruit se répandit à la ferme que Mademoiselle Rose avait eu une scène avec son père rapport à un amoureux qu'elle voulait épouser. On disait même le nom du galant. C'était le fils d'une petite mercière de Roche. Il passait pour un peu fou parce qu'il faisait des vers et il publiait des articles dans le journal de l'endroit. Ce qui était certain, c'est qu'il n'avait pas de situation, comme on dit, et que quant à l'argent, il n'en avait pas davantage. À cause de quoi, il était facile de comprendre que ce projet de mariage ne dut pas plaire à M. David. Mais on ajoutait que sa femme y était encore plus opposée que lui et qu'elle l'encourageait à la résistance. Mademoiselle Rose avait sa tête, on le savait. On ne la voyait plus du tout. Elle s'en allait de bonne heure le matin, elle ne rentrait que le soir. On racontait qu'elle ne parlait plus à sa belle-mère. Je me rappelle qu'il faisait très chaud. La fontaine était presque à sec. Le regain qui avait recommencé par bien pousser était bientôt rentré en terre. Il ne restait plus sur les prés qu'une espèce de courpoil gris. Nous autres, on tirait bien un peu la langue. Mais enfin, le petit vin ne manquait pas aux 10 heures qu'on allait prendre ensemble, assis en rond sous un arbre. Nous étions des fois une dizaine, les ouvriers de passage compris. Ils nous sautaient tout le temps à la figure des sauterelles grosses comme le petit doigt. Quand Ulysse en attrapait une, il lui arrachait les pattes. Il la posait à côté de lui et tout le monde riait de voir la bestiole tomber de côté, essayer inutilement de se soulever sur ses ailes. Moi, je détournais les yeux. Je ne voudrais pas me faire passer pour plus sensible que je ne suis, mais ces choses-là me levaient le cœur. Un samedi, donc, vers les 6 heures, comme j'étais entré chez M. Barba, je ne me souviens plus pourquoi, et j'attendais dans la cuisine que Jenny revint du jardin, tout à coup j'entends dans l'escalier la voix de Mademoiselle Rose. « Je voudrais seulement savoir si c'est là ton dernier mot. » Alors la voix de M. David se fait entendre. « Je te l'ai déjà dit, je ne vois pas pourquoi je te le répéterai. » « C'est non ?» C'est non. Une voix sèche, rauque, dure, et celle de Mademoiselle Rose était entrecoupée comme quand on est à bout de souffle. Il y eut un court silence, il semblait qu'elle réfléchît, puis elle reprit « C'est bien !» Sur quoi on descendit en courant l'escalier. Par la porte ouverte, je la vois passer, courant toujours, et elle s'enfuit à travers la cour comme si on l'avait poursuivie, son chapeau sur la tête, une ombrelle à la main. Je pensais « Décidément, ça va mal. » Seulement le bonheur où j'étais m'avait rendu égoïste. J'entendis bien à l'étage au-dessus la voix de M. Barba s'élever de nouveau, et une porte s'étant ouverte, Mme Léa à présent lui répondait. Je ne pris pas garde à ce qu'on disait. La vieille génie, avec qui j'avais affaire, était arrivée sur ses entrefaites, je lui fis ma commission et je m'en allai. On l'appelait cette génie, Génie la Tabousse, d'un mot patois de chez nous qui veut dire « qui parle trop ». Elle était comme juste depuis plus de 30 ans en service dans la maison. En attendant l'heure du repas, j'allai donc enchapeler ma faux. Ensuite, il y eut à remettre un manche au balai parce que l'ancien était pourri. Enfin, j'entends Madame Recordon qui m'appelle pour le souper. J'eus vite fait de manger, je rentrai chez moi, j'allumai d'abord ma bougie, puis, ayant ouvert mon cahier d'arithmétique qui était déjà à moitié écrit, je me mis en devoir de résoudre un problème auquel j'avais réfléchi tout le jour sans découvrir la marche à suivre. Je me souviens très bien de ce problème. Il s'agissait d'un bassin dont on indiquait les dimensions et d'un tuyau à débit donné. L'affaire était de trouver combien de temps le bassin mettrait pour se remplir. Je voyais bien qu'il fallait commencer par calculer en pieds cubes la contenance du bassin, mais ensuite je m'embrouillais. Je m'y repris à 3 fois, sans y réussir. À la 4e, ayant poussé mes calculs jusqu'au bout, je m'aperçus que la solution était fausse. Il me suffisait pour cela d'aller voir à la dernière page du livre où elles étaient indiquées. Il ne me restait qu'à recommencer. Je pensais avec désespoir à Mélanie et combien je m'étais avancé à la légère en lui découvrant mes projets. Il me semblait que jamais je n'arriverais à être assez instruit pour seulement entrer à l'école normale. Je me disais aussi qu'elle se moquerait bien de moi si elle me voyait, mais avec raison. Ce fut pourtant cette idée qui me redonna du courage. Je pensais, eh bien, prouve-lui qu'elle aurait tort. Je me remis à la besogne. Il devait bien être 10 heures. J'allais finir les premières multiplications, qui étaient la longueur du bassin par sa largeur et sa surface par sa hauteur, quand le chien se mit à hurler. J'allais voir à la fenêtre ce qui se passait et m'aperçus que depuis un moment la lune était levée. On sait que les chiens n'aiment pas la lune, je criai « Léo !» Il leva la tête et je le vis qui agitait la queue. C'était une grosse bête noire, sans beaucoup de race, croisée de Danois et de Dieu sait quoi, mais bonne gardienne et que j'aimais bien. Je pensais « Elle va se tenir tranquille maintenant qu'elle me sait là. » Pas du tout. À peine étais-je rassis à ma table qu'elle recommence à pleurer. Je me dis « Est-ce qu'il serait arrivé un malheur ?» Je ne sais trop pourquoi, brusquement, il me revient à l'esprit que Léo était très attaché à Mademoiselle Rose, et souvent, elle le prenait avec elle quand elle allait se promener. Alors, il est bien connu que les bêtes ont des yeux, des oreilles, un odorat qui porte plus loin que les nôtres, et elles se doutent des choses à une bien plus grande distance que nous. Les chiffres se brouillaient de plus en plus dans ma tête, je ne tarde pas à voir que je ne ferai rien de bon. Je me décide à descendre pour faire rentrer Léo dans sa niche et tâcher de le calmer en le caressant, puis, me disais-je, j'irai me coucher. Mais tout à coup, Léo change de voix et à sa façon d'aboyer, je comprends que quelqu'un s'approche. De nouveau, je me mets à la fenêtre. En effet, je vois venir un homme que je reconnais au clair de lune pour être le père Pinget. Monsieur et Madame Barba devaient être couchés. Rien ne bougeait dans la maison voisine. Dans la ferme non plus, personne n'avait bougé. Le père Pinget, cependant, s'était avancé jusque sous ma fenêtre, et levant la tête vers moi, de dessous son grand chapeau de jonc qui lui tombait jusque sur la nuque, « Il te faut venir, » me dit-il. Il parlait tout bas, en dedans, avec une drôle de voix étouffée, tout juste si je comprenais ce qu'il disait. « Où est-ce qu'il me faut venir ?» Il répète simplement, « Il te faut venir avec moi. » Je vois qu'il ne s'expliquerait pas davantage, quoi que je fasse. Je prends mon chapeau, je descends l'escalier sur la pointe des pieds. Mais une fois que je l'ai rejoint, le voilà qui recommence. « Tu n'aurais pas un de tes collègues qui pourrait venir avec nous ?» J'étais toujours plus intrigué, je lui demande pourquoi. Et lui, avec ce même air de mystère, « C'est que, pour la besogne qu'on va avoir à faire, il faudrait qu'on soit au moins trois. » Pas moyen d'en tirer rien d'autre, je lui dis. Il y aurait bien Ulysse, seulement il n'est pas encore rentré, et on ne sait pas quand il rentrera. Voulez-vous que j'aille appeler Recordon ? Il me dit, non pas Recordon. Je lui dis, on pourrait demander à un des ouvriers de venir. C'est ça, me dit-il, va le chercher. La porte de la grange était fermée à clé. Par bonheur, je connaissais le moyen d'y arriver en passant par la remise. En haut du mur de la remise, il y avait une espèce de trou par où on pouvait se glisser. C'est ce que je fais. Et parvenu au tas de foin où l'ouvrier dormait, je le secoue. Il se met à grogner, il refuse d'abord de me suivre, mais j'étais tout bouleversé, et c'est des choses qui se sentent. Il devine bien à ma voix qu'il devait se passer quelque chose de grave. Il finit par se lever, et nous rejoignons le père Pinget. Il nous dit « Dépêchons-nous ». Il prend la direction du lac. J'ai oublié d'expliquer qu'il était pêcheur, et sa maison s'élevait tout à fait au bord de l'eau, si on peut donner le nom de maison à une espèce de baraque faite de briques et de planches, avec en guise de cheminée un vieux tuyau de tôle qui sortait par un des carreaux. Il marchait rapidement, tout ce que nous pouvions faire était de le suivre. À peine avions-nous quitté la ferme que Léo avait recommencé de pleurer. L'herbe sous nos pas faisait un bruit sec. Il y avait autour de nous la lune dans l'herbe. De jaune qu'elle était le jour, elle avait tourné au gris vert. Là-dessus ressortaient en noir les buissons ronds et les masses des arbres, mais il y faisait assez clair pour qu'on pût distinguer nettement son chemin. Le père Pinget n'avait pas encore ouvert la bouche. Brusquement, il me regarde. « Est-ce que j'ai bien fait ?» Et comme il voyait que je ne comprenais pas, « Oui, de ne rien leur dire, avec ce chien qui gueule comme ça. » Puis, comme je ne répondais toujours rien, « bon Dieu, est-ce possible, est-ce possible ?» Il ne s'était pas arrêté et continuait d'aller à grands pas. Mais à présent, je marchais à côté de lui, il leva son poing jusqu'à sa joue, il le laissa retomber, puis il secoua la tête. Et drôlement dans l'ombre de son chapeau, mais une ombre claire, comme celle que fait la lune, je l'apercevais de profil, avec sa vieille barbe et son grand nez crochu, qui fronçait les sourcils, en même temps que sa bouche remontait un peu. Mais il voyait qu'il lui fallait s'expliquer. Il fait un effort, il reprend. Voilà, je venais de m'endormir, j'ai cru entendre du bruit, comme si on détachait le bateau. Un petit arrêt, il allait toujours, nous aussi. Il secoua de nouveau la tête. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut bien avoir envie à 16 heures de se promener sur le lac? Mais je pense au clair de lune et je me dis, c'est peut-être des amoureux. Parce qu'il en était déjà venu 2 ou 3 fois, qui m'avait pris le bateau la nuit. N'est-ce pas? Ils ont leurs idées. Je me lève pour aller voir. Ils étaient bien 2 dans le bateau, un monsieur et une dame. Il recommença, il parlait ainsi, avec des trous, entre ses phrases. Une dame, une jeune dame. Et puis voilà qu'il me semble que je reconnais son chapeau. La lune venait de se lever et ils étaient juste dans la lune. Eux, ils ne pouvaient pas me voir, parce que je me tenais caché derrière l'angle de la maison. Une dame, une jeune dame en robe blanche. Le monsieur, je ne le connaissais pas. Ils ne ramaient pas vers le large, ils longeaient la rive. Ils allaient du côté du vieux saule. La dame était assise tout à côté du monsieur, non sur le banc, mais dans le fond du bateau. Elle avait l'épaule appuyée contre ses genoux. Elle tenait la tête levée vers lui, et lui, tout en ramant, il se penchait vers elle. Et puis, il a lâché les rames. Parce qu'il était arrivé en face du vieux saule, à peut-être 50 mètres, juste le bon endroit. Alors elle s'est soulevée, il s'est encore baissé, il l'a prise dans ses bras. Un petit moment a passé, puis j'ai vu que le bateau se mettait à pencher. Je me suis dit, quel diable d'idée est-ce qu'ils ont de se tenir sur le bord du banc au lieu de rester au milieu? Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre. Le bateau penchait toujours plus. Et voilà. Il m'appelle Samuel. En même temps, l'ouvrier s'était arrêté. L'ouvrier a dit, moi, je ne vais pas plus loin. Et moi, machinalement, je m'arrête aussi. Il me semblait que je ne pourrais pas faire un pas de plus. Le père Pinget s'arrête à son tour. On était maintenant tout près de la rive. Forcément, il s'arrête, puisque nous étions arrêtés. Il nous regarde. L'ouvrier recommence. Il faudrait qu'on me pêchère. Et moi, je ne disais rien. Et le père Pinget non plus. Puis il reprend. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas assez du joli, tout ça. D'ailleurs, c'est peut-être pas eux. Il y a le vieux bateau plat qui reste, on le prendrait, on irait voir. L'ouvrier se contenta de faire un geste de la main. Il se tenait debout devant le père Pinget, bien d'aplomb, les jambes un peu écartées. Le père Pinget, lui, secoua de nouveau la tête. J'aurais mieux fait d'aller le prévenir, lui. Je n'en ai pas eu le courage. Maintenant me voilà jolie. Avec mon bateau qui s'en va, les rames perdues et le reste. Me voilà jolie maintenant. Je ne le laissais pas finir parce que j'avais eu honte tout à coup. Eh bien moi je vais avec vous. L'ouvrier éclata de rire. Léo hurlait de plus en plus fort. Il sembla que la lune eût fait un bond dans le ciel. Elle apparut debout à la pointe d'un peuplier. Quand il fait clair comme en plein jour, ce serait quand même dommage, dit l'ouvrier. Si j'y allais aussi. Ni les uns ni les autres, je crois, ne savions plus bien ce que nous disions. Et c'est ainsi qu'on se remet, les 3, en route, en moins de rien qu'on est arrivé à la maison du père Pinget. Il nous dit, je vais d'abord faire de la lumière. Oui, pour plus tard. Sa voix résonnait drôlement dans le silence de la nuit. Il y avait dedans comme des trous, des fêlures. À certains moments, elle s'arrêtait tout à fait. Il entre, il allume une lanterne qu'il pose sur la table. Il revient vers nous. Et on va ensemble jusqu'à un petit débarcadère fait d'une planche supportée par 2 pieux, où était amarré le second bateau qu'il avait, un vieux bateau à fond plat. À présent, le lac brillait devant nous. Il faisait penser à un toit mouillé, avec la pente qu'il avait et dessus, imitant le dessin des tuiles, 1000 et 1000 petites vagues. Et le père Pinget, ayant détaché le bateau, nous montra du doigt quelque chose qui flottait en avant du saule. C'était l'autre bateau, retourné. Il se détachait tout noir sur le blanc miroitant de l'eau. Il dit « C'est là-bas. »« On le voit bien, » répondit l'ouvrier. Il parlait tout bas. Il y avait 2 paires de rames. L'ouvrier prend place à l'arrière. Le père Pinget s'assied sur un des bancs, moi sur l'autre, et nous nous mettons à ramer. On avance vite avec ces bateaux à fond plat, mais ils ont l'inconvénient de n'être jamais fixes dans leur direction. Un coup de rame mal donné, ils tournent sur eux-mêmes. Heureusement que Pinget était là pour commander la manœuvre. De la droite, c'est ça, encore de la droite, ça va bien. » On était en plein dans la lune. Elle brillait devant nous. En avant de nous, dans la lumière de la lune, il y avait seulement la forme noire de l'autre bateau. Le nôtre allait droit sur lui. Tout à coup, on distingue à côté de la coque retournée une autre tache plus petite. C'était une ombrelle. Je hochai la tête. Le père Pinget me regarda. Il hocha lui aussi la tête. Il me dit « Je pensais bien. Ça ne fait rien, il faut y aller. » À présent, d'ailleurs, toute espèce de peur nous avait passé, à lui comme à moi. Je ne pensais pour ma part qu'à bien exécuter la manœuvre. Ça n'était pas déjà si facile. Il nous fallut d'abord ranger notre bateau le long de l'autre, ayant retiré les rames de ce côté-là. Puis, appliqués bord contre bord, nous cherchâmes à le retourner. Nous pensions qu'à trois, comme nous étions, la chose irait sans trop de peine. Mais on avait beau faire, on n'y arrivait pas. Au lieu de céder, l'autre bateau nous entraînait. On aurait dit qu'il était de plomb, ce bateau. Il semblait retenu d'en dessous par quelque chose de très lourd. « Ça y est !» dit finalement le père Pinget qui se redresse. « Ils sont restés pris dans les bancs. » J'avais compris. Il me glissa le long du dos comme un filet d'eau glacée. Je sentis mes cheveux devenir raides sous mon chapeau. Il nous faudra les remorquer jusqu'à la rive. Pas moyen de s'en tirer autrement. Le père Pinget avait un bout de corde. Il nous fallut aller chercher la boucle de l'autre bateau et la corde fut attachée. Docilement, je m'étais remis à ramer. On ramait dur, pourtant c'était à peine si nous avancions. Mais je regardais le dos arrondi du père Pinget assis devant moi et je m'encourageais quand même, réglant mon effort sur le sien. On a fini par arriver. On a tiré ce bateau jusque parmi les cailloux. À nous trois, on l'a retourné. Le père Pinget avait eu raison. Ils étaient restés pris dans les bancs. Ils étaient toujours enlacés. Leurs bras ne s'étaient point ouverts dans la mort, et leur corps dans la mort ne s'était point quitté. Nous dûmes leur ouvrir les mains pour leur faire lâcher prise. D'abord, nous amenâmes à nous Mademoiselle Rose. Son corsage collait à ses bras ronds et à ses épaules, et ses cheveux mouillés entraînant sa tête en arrière, son cou faisait une ligne droite, du creux de la gorge au menton. On la coucha sur une couverture que le père Pinget avait été chercher. À ce moment, des hurlements désespérés se firent entendre, malgré la distance. C'était Léo, il avait tout deviné. Pourtant, nous allâmes à l'autre, comme il montait vers nous du fond de l'eau, ce qui nous apparut d'abord fut sa figure. On vit qu'il avait les cheveux assez longs. De même que Mademoiselle Rose, il renversa brusquement la tête. On le coucha, lui aussi, sur la couverture. Le père Pinget me dit « Maintenant, il te faut aller le prévenir ». Puis, se reprenant aussitôt, « Peut-être bien qu'on ferait mieux de ne pas les laisser ensemble. » Mais moi, je ne sais pas quelle pitié m'avait saisie. J'eus un mouvement de révolte. Pourquoi penser aux convenances auprès de cette grande chose qui était ces deux corps allongés devant moi? Ils ont voulu rester réunis dans la mort, me disais-je, qu'il leur reste au moins un petit moment encore, puisqu'ils ne pourront pas l'être toujours. Et je dis « Je veux bien aller, mais c'est à la condition que vous les laissiez ensemble. » Il n'insista pas, je me mis en route. Je n'eus pas besoin d'aller bien loin. Le malheur, c'est comme les fumées d'automne. Subtilement, à travers l'air, une odeur de loin les annonce. On ne les a pas vus venir qu'on en est déjà entouré. J'aperçus trois hommes qui venaient à ma rencontre. Il y avait M. David, Recordon et Ulysse. M. David marchait devant. Sa mâchoire tomba. Il se fit deux grands plis en travers de ses joues. Il me regarda longtemps sans rien dire, puis il partit en courant. Plus tard, alors, passé minuit, on aperçut un char à bancs s'en aller lentement du côté de la maladière. Une forme blanche y était couchée sur un matelas. Nous tous, nous marchions à côté. On arrivait quand Madame Léa se précipita vers nous. Elle levait les bras en criant « Je t'avais bien dit, je t'avais bien dit. Tu as donc juré notre mort à tous, bourreau que tu es, mauvais père !»